ok, je m'introduis dans le circuit avec mon produit. Dès mon arrivée, l'effectif d'M6 réduit. Je rappe violemment, dû au tempérament, au comportement, mais également au département. Mettre le périph' et sort à porte de Châtillon. Prends la grande nationale et appelle-moi dès que t'as passé le pont. Je vais te guider, mais t'as pas idée. La vérité, pas m'arrêter, je fais du rap en illimité. On est tous égo, égo, écrase les mêmes égo, mégo. On roule dans des vagos, vagos, cherche le même mago, mago. Mais on s'y fait, ça nous déplaît, cette routine nous laisse des plaies. De loin, de près, des fois effraie, c'est vrai qu'on ne vit pas du concret. La hasse nous gifle en pleine face, qu'est-ce qui se passe? La tête est pleine de coups de crasse. Si tu n'as hasse, tu deviens vite une carcasse. La vie n'a hasse, faut qu'on brasse et qu'ensuite on se casse, casse. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. Rap qui découpe, écoute, en boucle, ça coupe, recoupe, un scoop, j'remporte les coupes, nerdine au mouk, au plouc, en groupe ou en troupe, sans loup, des gouttes, j'rache pas dans la soupe, je les shoot et oust, rien à foutre, l'illicite ici, vos bandes ici, Châtillon City, les polos passent en fin d'après-midi. Tout ça pour dire qu'on est vraiment tous les mêmes, devant la HNM, en jouant les mecs d'Harlem. Entre cités on se tape, c'est la faute du système. Partout pareil, on fréquente les mêmes problèmes. X-Max ou T-Max, les You voient bombarde à max. Transpire 100 mètres de axe, car y'a plus en plus de taxes. Ça devient dur de s'entretenir, car l'euro nous embobine. On préfère acheter moins cher, les peu ça qui viennent de Chine. Ray, après la sonnerie du réveil, on cavale après l'oseille, et c'est partout pareil. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. Partout raille pas, c'est nous comme dans les quêtes plates. Tes masses ne s'arrête pas, ça se noie dans la vodka. Au volant fait des dégâts avec tes gars, ne t'arrête pas. Complètement fracas, t'arrives même pas à voir où tu vas. Maigra, déjà, tu fréquentes les tracas. Risque de car plat, donc fais pas le bras séca. L'allerga, les mêmes éducations des remparts. La souffrance rend plus fort, tu deviens vite un soldat. Les mecs sont identiques, la rue reste authentique. On s'accroche à la vie même si parfois elle met des front kicks. Inch'Allah, si Dieu veut j'aurai ma villa. Au comment, au pays, au bord de la playa. Avec mes cinq roues, je te dis comme on est beaucoup. La mi-fa s'élargit, on est un peu partout. Tous alliés, ralliés, rêve de finir marié. Tout manié, salarié, se barrer loin du quartier. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. C'est la même partout, dans toutes les villes. On vit les mêmes souffrances, les mêmes routines. Pour ça qu'on s'endurcit, trop de frères en sursis. Le quotidien nous forge, on s'adapte et survit. Mais plus de son frère, mes mots sont mes armes. Mon chargeur est plein. Mystère, c'est R-O-M-A. C'est le retour du M-A.